je révise pas le bac, moi, je révise mon rap, quoi. Je touche pas le chômage, parasite à la zone, mais la main ma crise, l'avenir m'en parle pas. Soit je suis artiste, soit la balle pas. Il faut que je rentre vers, c'est légitime, comme un barbare. J'en ai marre, j'ai décidé d'atomer le masque parce qu'à partir je vais bien, j'ai l'impression que je m'évade. Et puis c'est grave, malgré que j'ai arrêté l'alcool. Dans ma tête, c'est une titanique, quand t'as même sniffé de l'alcool. Souris, je suis dans la merde, si j'avais pu, t'es dans la soie. On fait le 24 heures du mensonge, je rappe, je pile, et dans la sarre, je mange discount. Mais loin des gens qui se discoulent, de ceux qui se distinguent, je suis de ceux que l'on distingue. Je me pose des questions, y'a pas de réponse entre deux chaises. Ah, j'écris un cesse là, prends de la chien, on reste là. Réalise, faudrait peut-être qu'on se réanime, ça s'entretue pour une clope ou 20 centimes. Reste solide et même dans l'adversité. Gardez le positif, le reste les effacer. Les coups durs de la vie pour que nous sommes blessés. J'aimerais tant que ces écritures puissent me réchauffer. Ouais, relever la tête, rester combatif. Même si c'est difficile, ne pas rester passif. It's just that I feel. En 2010, c'est pas la crise, rien neuf, mes parents vieillissent. Pas de fiche de paye, un parasite en direct d'Orleans. J'ai fait le possible, mais pas assez. On dit c'est prof, surpassé, nique. J'ai quitté l'école retenue, j'roulais mes calls. Le CPE disait que j'étais foutu. Je lui ai dit, je vais revenir riche sans rien avoir foutu. Réservoir rempli de textes, la tête remplie, elle est triste. J'ai pris le micro pour les bâtards afin qu'ils se testent. Rap français, c'est un peu comme une affinie par tous. Ça rappe partout, mais ceux qui ont du bac ou finissent par tousser, tu tombes à pic. On est pris pour des pompes à fric, on devrait faire des médailles d'honneur quand ta cousin défonce un flic. Vu c'est grave, les crises d'angoisse. Raccourcis ma vie, ouais. C'est triste, partir endormi sans te dire bonne nuit. J'ai pas le temps vu que la mort arrive d'en prévenir. Six de nos potes sont partis d'un virage à 110. Merde, on m'avait dit que la vie c'est pas ça. On m'avait dit que l'amour a pas besoin de brassard. On m'avait dit que les femmes étaient des sucreries. Tu te fous de ma gueule, regarde la taille de mes caries. On m'avait dit que l'aspirine soignait tout. On avait oublié de leur dire que le shit soignait pas la toux, okay. On m'avait dit que les pères pouvaient changer les femmes. Pardonner tout quitte à avoir le nez pété. Stylo comme un canif, il pour Vianney, la Mali. Que les MC sur votre chemin ne s'assure pas qu'à la maïf. Stenivec et Minos, on vient bousiller des enceintes. Sans motif, tu nous connais, on se patate dans les soirées dansantes. Loin des rêves, de la péninsule ibérique. Pédophile, j'aurais pas de peine si le péninsule tribérie. Construire sa vie ne se fait que difficilement. Ne fais pas maçon du cœur, si tu veux, tu piffes le ciment. Mais voilà, là, ici et là, entre ici et là. Pas entre pas nombre, il y en a et des sons qui pas. Y'a un déridit, mais c'est l'ecta pour mettre encore sa barda. Avec une rythmique de fou qui fait qu'on dit qu'on est ma. Il vous dérange, je vais investir, frérot, je veux une vie idéale. J'ai autre chose à branler de ma vie que faire fructifier un livret A. Faut faire face aux soucis, heureusement que je suis fort. Je laisse pas la place au suicide, je reste là et je m'accroche. Quand je dis face aussi la guicheuse, pardon des toasts, dis là tes yeux, trop d'MC font du cinéma, dédicace aux petites maquilleuses. À la mienne, je trinque, à la mienne, zinc, Orleans 4-5 et Blois 4-1. Je vis dans ma sphère, j'ai les yeux rouges, après c'est whisky. Je veux plus faire partie des ambiances sanguinaires à la Sin City. Tu peux me comparer au diam, ça le rôle le 7K. Ma musique brille au soleil et tourne jusqu'en Jamaïque. Tu peux m'appeler le Lion Rouge, une bière qui chante pour Africa. Sans oublier Guadama, Dinina et puis Guyana. 2010, j'viens pour crier, faut mettre le feu aux poudrières. Je veux être patron puis ouvrier, je mets des coups de pied dans la fourmilière. T'es un fou, ouais, ouais. Toi tu tires, ouais, ouais. Mais arrête, wesh, mec. T'as craqué où tu veux échouer. Je ne suis pas il à ma limite, j'ai compris ta feinte, miss. N'essaye pas de me carnage, je te crèverai l'appendice.